Combien de temps me reste-t-il avant qu'un pote me trahisse? Combien de verres d'alcool avant que mes yeux ne jaunissent? Tout passe trop vite, donc je vis pleinement. J'emmerde toutes vos devises et je gère mes pailles proprement. Je veux plus retourner en arrière sur certains actes, donc j'assume. Mon écriture a dérivé de haine, parsemée d'embûches. Vodka dans la vessie, je doute mourir vieux. Je suis loin d'être un exemple, aux Ulysses on s'en sort comme on peut. Vis et dièse font partie de mon sale quotidien. Chaud comme la presse, je navigue entre dragons et requins. Combien de temps me reste-t-il avant de passer l'arme à gauche? Hier me paraissait futile. Aujourd'hui je compte les secondes, je laisse des traces de mon passage à travers le son. Encore un track en live de Soas qui donne des frissons. Dis-toi que je vis à la rage depuis l'époque de Jospin. Et toi combien de temps il te reste pour faire les choses bien? Nos, bah ouais l'ancien. Combien de temps auras-tu le time? On pousse pas demain ce que tu peux faire. Aujourd'hui t'es dans le wagon, je conduis le train. Il va falloir que tu auras-tu nous suives. Ouais, voici la mort tant qu'à ta porte. C'est quoi le discours fait par le type? Tu connais très très bien la suite. Y'a quoi à perdre la tête? Chaque heure qui passe tout détruit. Né en poussant un cri parano, j'sais plus qui est qui. On est en place, c'est pour de vrai. Dans ces vieux taux, paniquez pas. Bah ouais les gars, c'est que de la musique. Auras-tu le time? Je vois les secondes qui défilent comme une aiguille sur la montre. Dis-moi combien de temps nous reste-t-il avant cette fin du monde. Je suis comme un ouf car je loupe grave. Je sens les touches car les coups bas. Je sais pas vraiment si un jour ou l'autre j'aurai de la chance. Du coup je rappe. Je veux marquer le temps comme un chrono. Ouais tout péter c'est bien le but. J'ai pas l'intention de faire le faux. Même si pour ça y'a de la thune je tue. Je suis parti seul, j'ai mis le noce. Écoute ça fort, fais pas le faux, y'a pas de costume. On fait les choses mais car demain peut s'arrêter. J'ai le regard froid, l'esprit s'échauffe, demande à m'arrêter. Non pareil fou et pareil ça mais par ici. Y'a pas le choix, trop de parasites. On pérennise les mauvais bails, c'est ça l'avenir. Dis-moi l'ancien, c'est ça la vie. Je vois trop les gens faire du surplace. Dis-moi si je finirai dans ce cas aussi. Sérieux, je suis dans un drôle de truc. Je fais que penser qu'on a qu'une chance. C'est de refaire le monde avec un si. Auras-tu le time? On pousse pas demain ce que tu peux faire. Aujourd'hui t'es dans le wagon, je conduis le train. Il va falloir que tu auras-tu nous suives. Ouais, voici la mort tant qu'à ta porte. C'est quoi le discours fait par le type? Tu connais très très bien la suite. Auras-tu le time? Y'a quoi à perdre la tête? Chaque heure qui passe tout détruit. Né en poussant un cri parano, je sais plus qui est qui. On est en place, c'est pour de vrai. Dans ces vieux taux, paniquez pas. Bah ouais les gars,